Section 6 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Chapitre 6 Le voyage. La dernière voix que Nicolas Trémle entendit sur ces domaines fut celle de Jean Blanc, dont le chant mélancolique le saluait au départ comme un menaçant augure. Il fallut au vieux gentilhomme toute sa force d'âme et cette obstination qui est le propre du caractère breton pour vaincre les tristesses qui vinrent assaillir son cœur. Il repoussa loin de lui l'image de Georges et continua sa route. Il ne voulait point que l'on connût son itinéraire, car, après avoir fait 2 lieues dans la direction du Couesnon et de la mer, il revint brusquement sur ses pas, tourna Vitré, dont la noire citadelle absorbait les rayons du soleil de midi, et gagna le chemin de Laval en laissant sur sa droite les belles prairies où serpente le ruisseau qui s'appelle déjà la Vilaine. Entre Laval et Vitré, un peu au-dessous du bourg d'Ernay, qui joua, 80 ans plus tard, un grand rôle dans les guerres de la chouannerie, s'élevaient sur un petit tertre 2 tronçons de poteaux dont les têtes avaient été coupées. Les 2 poteaux se dressaient à 6 toises l'un de l'autre, séparés par 2 tranchées, entre lesquelles on voyait encore les débris vermoulus d'une barrière. Nicolas Trémle arrêta son cheval et se découvrit. Jude l'équerre l'imita. « Quelques pas encore, dit monsieur de la Trémlay, et nous serons sur la terre ennemie, la terre de France. Pendant que nos pieds touchent encore le sol de la patrie, il nous faut dire un ave à Notre-Dame demi-forêt. » Tous 2 récitèrent l'oraison latine. Autrefois, reprit le vieux gentilhomme, ces poteaux avaient une tête. Celui-ci portait l'écusson d'hermine timbré d'une couronne ducale, l'autre portait d'azur à 3 fleurs de lys d'or. De ce côté-ci de la barrière, il y avait un homme d'armes, breton, de l'autre, un homme d'armes, français. Les soldats se regardaient en face, les emblèmes se dressaient fièrement à longueur de lance. Dreux et Valois étaient égaux. « C'était un glorieux temps, monsieur Nicolas, » soupira Jude. « Dreux n'est plus, » continua Trémle, dont la voix tremblait, « et la Bretagne est une province française. Mais Dieu est juste, il rendra mon bras fort. Marchons. » Ils franchirent l'ancienne limite des 2 étangs et continuèrent leur route en silence. Le voyage fut long. Ils virent d'abord Laval, ancien fief de la Trémoille, Mayenne, qui donna son nom au plus gros des ligueurs, Alençon, qui fut l'apanage des fils de France. Dans chacune de ces villes, ils s'arrêtaient le temps de faire reposer leurs chevaux. Puis ils repartaient en hâte. « Où allons-nous ? » se demandait parfois Jude l'Écoeur. Mais il ne faisait point cette question tout haut. S'il plaisait à Nicolas Trémle de taire le but de ce voyage, ce n'était point à lui, Jude, qu'il appartenait de surprendre ce secret. Son incertitude ne devait pas durer longtemps désormais. Ils traversèrent Mortagne, puis Verneuil, puis Dreux, et le matin du 6e jour, ils franchirent la grille dorée du parc de Versailles. Versailles était abandonnée déjà, mais ses blancs perrons de marbre avaient encore le brillant éclat des jours de sa gloire. Statues, colonnades, urnes antiques et riches frontons gardaient leur splendeur du dernier règne. Il y avait si peu de temps que durait le veuvage de la cité royale. Le sable des allées ne conservait-il pas encore les traces des mules de satin et des hauts talons vermillonnés? N'y avait-il pas encore des fleurs dans les vases, des strophes gravées sur l'écorce des arbres, des jets de cristal dans la bouche souriante des naïades de bronze? Hélas, le veuvage a continué trop longtemps. Les fleurs se sont flétries. Bronzes et marbres ont pris l'austère beauté des œuvres d'un autre âge. Il n'y a plus ni chant, ni joie. C'est au passé qu'il faut dire avec le poète, pleurant les grandeurs de la monarchie, « Oh, que Versailles était superbe dans ses jours purs de tout affront, où les prospérités en gerbe s'épanouissaient sur son front. Là, tout faste était sans mesure. Là, chaque arbre avait sa parure. Là, chaque homme avait sa dorure. Tout du maître suivait la loi. Comme au même but vont sans route, là les grandeurs abondaient toutes. L'Olympe ne pendait aux voûtes que pour compléter le grand roi. » Nicolas Trémle et son écuyer n'étaient point gens, il faut le dire, à s'occuper beaucoup de sculptures ou de jets d'eau. Ils jetèrent chemin faisant un regard distrait sur tous ces dieux de pierre qui souriaient, jouaient de la flûte ou dansaient, couronnés de raisins, puis ils passèrent. Après avoir marché quelques heures encore, ils trouvèrent la Seine. « Paris est-il encore bien loin ? » demanda Nicolas Trémle à un bourgeois qui, monté sur son bidet, tenait le bas de la chaussée. Le bourgeois se retourna et tendit son bras vers l'est. Monsieur de la Trémelet, suivant son geste, aperçut à l'horizon un point lumineux. C'était l'or tout neuf du dôme des Invalides qui lui renvoyait les rayons du soleil levant. « Courage, ami !» dit-il à Jude. « Voici le terme de notre pèlerinage. » Jude répondit « C'est bien. » Si les chevaux avaient su parler, ils auraient sans doute manifesté leur satisfaction d'une manière plus explicite. En entrant dans la ville, Nicolas Trémle se fit indiquer le palais du régent et piqua des deux pour y arriver plus vite. Une sorte de fièvre semblait s'être emparée de lui. Jude le suivait pas à pas. La figure du bon serviteur trahissait cette fois une curiosité puissante. Par le fait, que pouvait vouloir au régent monsieur de la Trémelay ? Ce dernier descendit de cheval à la porte du palais royal. Il voulut entrer, les valets lui barrèrent le passage. « Allez dire à Philippe d'Orléans, dit-il, que Nicolas Trémle veut l'entretenir. » Les valets regardèrent le costume gothique du vieux gentilhomme qui disparaissait littéralement sous une épaisse couche de poussière et tournèrent le dos en éclatant de rire. Le plus courtois d'entre eux répondit du bout des lèvres « Son Altesse royale est à son château de Villers-Cotterêts. » Monsieur de la Trémelay se remit en selle. « Quelqu'un de vous, dit-il, veut-il me conduire à ce château ?» La livrée du régent redoubla ses rires dédaigneux. « Mon brave homme, s'écria-t-on, les gens de votre sorte ne sont point admis au château de Villers-Cotterêts. « C'est le paysan du Danube, chuchota un valet de pied. « C'est plutôt, répliqua un coureur, le juif errant qui aura volé sur sa route un domestique et une haridelle. « C'est Don Quichotte. « C'est monsieur de la Palisse !» Jude mit la main sur la garde de sa grande épée, mais son maître le retint d'un geste et tourna bride. L'insulte qui vient de trop bas s'arrête en chemin et n'est point entendue. Monsieur de la Trémelay fit halte dans une hôtellerie qui portait pour enseigne les armes de Bretagne. Sans prendre le temps de se déboter, il manda le maître et lui ordonna de trouver un guide qui pût le conduire sur l'heure à Villers-Cotterêts. L'étonnement de Jude était au comble. Sa curiosité refoulée l'étouffait. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il prit la parole. « Monsieur Nicolas, dit-il timidement, vous avez donc grand désir de voir ce Philippe d'Orléans ?»« Tu me le demandes ? » s'écria Nicolas Trémle avec énergie. Cette réponse porta la surprise de Jude au-delà de toute borne. « Que je meure, murmura-t-il en se parlant à lui-même, si je sais ce que notre monsieur peut vouloir au régent. » Nicolas Trémle entendit, saisit le bras de son écuyer et dit « Je veux le tuer !» Jude se reprocha de n'avoir point deviné une chose si naturelle. « À la bonne heure, dit-il, c'est bien !» Et il reprit sa tranquillité habituelle. À ce moment, l'aude reparut avec un guide. Chapitre 7. La forêt de Villers-Cotterêts. La magnifique maison de plaisance du régent Philippe d'Orléans avait ce jour-là un aspect plus joyeux encore que d'habitude. On voyait les palefreniers s'empresser autour des carrosses attelées. Les chevaux de selle piaffaient et se démenaient comme pour appeler leur maître, et toute une armée de pages, coureurs et laquais à brillantes livrées encombrait les abords du perron. Le régent était encore à table. Dès que le repas fut fini, courtisans et belles dames descendirent, à flots de velours et de satin, le grand perron du château. Aussitôt les carrosses s'émaillèrent de gracieux visages, les chevaux de selle dansèrent sous leurs cavaliers et la grande porte de la cour s'ouvrit. Par extraordinaire, Philippe d'Orléans n'avait pas pris place dans son carrosse. Il essayait un magnifique cheval que lui avait envoyé la reine Anne d'Angleterre, présent qu'il appréciait surtout à cause de son origine britannique, car le régent était anglais de cœur. Tous les historiens s'accordent à dire que Philippe d'Orléans avait un beau visage. Ses portraits, d'ailleurs, en font foi. Quand il voulait bien mettre de côté ses allures abandonnées, on reconnaissait en lui le descendant des rois et il pouvait faire figure de prince. Ce jour-là, se trouvant d'humeur gaillarde, il se mit en selle avec aisance et tout aussitôt la cavalcade s'ébranla. Entre la sauvage forêt de Rennes

que Dieu ne punisse que moi et prenne l'enfant en pitié. » Le régent donna le signal du retour. Tout le long de la route, il se montra d'une fort aimable gaieté. Il n'était pas méchant. Seulement, en montant le perron du château, il se pencha à l'oreille d'un de ses conseillers et prononça le mot « Bastille ». Le conseiller s'inclina. C'était l'arrêt de Nicolas Trémle et de l'honnête Jude, son écuyer. Fin de la section 6.